meilleures équipes, je champions, the master, the best of, les meilleures équipes, Bonsoir, bonsoir à tous, chers auditeurs, bienvenue une fois de plus sur Radio Galère pour la dernière émission de l'année, une émission de fête, de fiesta, avec le comeback de plusieurs amis, enfin non, d'un ami, l'ami Brett, notre fidèle Brett. Peut-être plusieurs sont-ils, mais... Alors c'est votre comeback sur Galère, mais vous avez honoré de votre présence ponctuellement toute l'année, l'année des bâtons d'Anguirou, sur Grenouille, sur d'autres... Et vous avez honoré pas mal de réunions finalement, docteur, n'est-ce pas? Ah oui, on a surtout remarqué Brett dans sa lucidité lors des réunions, réunions qui cette année ont été chaudes, et heureusement que Brett était là pour mettre un petit peu de son sang-froid dans ces réunions qui se sont parfois échaudées, et où il a eu quand même maille à partir avec certains des membres du dispositif qu'on ne citera pas. J'ai pris des coups, il y a des coups collatéraux, mais ça va, vous êtes bien tenus. Oui, c'est mon retour à Galère, mais je crois que je suis passé quand même quelques fois, brièvement, oui. Pas de manière très remarquable, voire même parfois un peu catastrophique, mais ça me fait plaisir de venir pour la dernière. Bah oui. C'est une bonne date pour son retour, la dernière, je trouve. En période de Brexit, d'ailleurs, on en parlait. On déplore l'absence, évidemment, de Dondé, un des hommes les plus occupés à Marseille en ce moment, un emploi du temps... extrêmement chargé, ce pauvre Dundé, donc on le salue. Bah ouais, c'est un type qui déménage pas seulement à l'antenne, hein. Ça, aussi dans le civil, quoi. Donc, salut Dundé. Et Magic est cloué au lit ce soir, avec une annonce à peu près 100 degrés de fièvre. Donc c'est chaud. C'est chaud dans le panier. Alors moi je suis arrivé un petit peu essoufflé. Pourquoi? Oui. Eh bien tout simplement puisque j'étais dans un stade de la banlieue marseillaise. C'est pas vrai. Où se joue actuellement un huitième de finale de Coupe d'Europe. Donc je suis arrivé à pied rapidement à la mi-temps et qui est-ce que j'ai vu dans les tribunes? Ce bon vieux Magic qui à mon avis est en train de nous faire un truc dans le dos. Exactement. Et voilà, donc il n'était peut-être pas conscient. Peut-être qu'il était effectivement victime d'un maraboutage islandais, je ne sais pas, puisque, comme vous le savez peut-être, les Islandais ce soir sont en train de faire le gros coup de 7 euros. Bah oui, alors c'est pas Magic qui est au stade ce soir, c'est le coach. Une fois n'est pas coutume, le coach est aux manettes et en même temps au stade pour suivre pour nous ce Angleterre-Islande ou Islande-Angleterre, je ne sais pas dans quel ordre on doit le dire. Ça doit être un relatif au classement dans les poules, mais. Angleterre-Islande, voilà. Alors certainement. Certainement. Coach, comment allez-vous? Ben écoutez, ça va bien. Oui. Ça va bien. Vous me paraissez très très très loin, mais c'est sans doute en fait. On m'a dit qu'à Marseille, il y avait beaucoup de Mistral aujourd'hui, c'est ça? Donc c'est peut-être le vent en fait qui vous emporte. En effet, il y a beaucoup de Mistral. Dans quel stade êtes-vous exactement? Dernier stade. Au stade final. Oui, au stade final. Très bien, coach. Alors. Il faut dire à nos auditeurs que c'est une émission que nous avons une fois de plus préparée longuement pour finir cette année. On ne va pas dire qu'on a été extrêmement assidus dans nos dernières réunions, mais cette émission particulièrement nous tient à cœur parce que Brett, par habitude, nous finissons en musique. Exactement, je crois que le coach a officié à la préparation d'un terrible blind test. Comprenant pas moins d'une cinquantaine de chansons, est-ce qu'on pourra toutes les passer? On ne sait pas, mais... Alors je ne sais pas si on va pouvoir chanter, mais en tout cas on va écouter de la musique. Et on va batailler nous trois sur le plateau, je pense. Est-ce qu'on va chanter, coach? Écoutez, rien ne vous en empêche, hein. Vous pouvez toujours... ce sera peut-être plus compliqué sur ces morceaux-là, mais après peut-être que pour vous départager, à un moment donné, il faudra peut-être que vous lancez dans des défis, hein, dans des défis entre vous... qui, au lieu de pierre-papier-ciseaux, sera plutôt chanté a cappella ou a cappello. Ou Acapulco. Alors il faut vous dire que nous disposons, mon cher coach, d'un écran aussi dans notre studio, et que peut-être qu'on pourra tricher, puisqu'on voit votre playlist pour l'instant. Alors je ne sais pas ce qu'on va faire, soit on décide de conserver l'image du match tout en essayant de ne pas trop regarder les réponses du coach, soit on tourne l'ordinateur complètement. Vous pouvez réduire votre playlist, je pense, coach. Voilà, c'est chose faite. Et là, il y a un but, tiens, par exemple. Le résumé peut-être de la première période que nous a concocté coach. Un but qui pourrait être islandais, non ? Qui m'a tout l'air d'être islandais. Alors coach, dites-nous tout. Eh bien écoutez, c'est quand même, je pense, assez surprenant. Oui. Puisque, en fait, jusqu'à maintenant, dans ces huitièmes de finale, on peut quand même dire que tous les grands se sont un petit peu réveillés. Mm-hmm. Bon, certains quand même de réveiller plus ou moins brutalement. Hein, c'est-à-dire les Français ne sont pas encore tout à fait réveillés, par exemple. Mais les Allemands, les Belges, eux, par contre, sont parfaitement réveillés. Et donc seront présents en quart de finale. Et là, pour l'instant, il semblerait que les Anglais ne soient pas encore complètement sortis de leur torpeur. Alors peut-être que c'est l'abus de bière, hein, puisque c'est bien connu que la bière coûte moins cher en France qu'en Angleterre, et que du coup ça pousse forcément à la consommation. Mais en tout cas, voilà, les Anglais ne sont pas réveillés, ils sont menés 2-1 par des Islandais qui ne déméritent pas, et qui font preuve finalement d'un fighting spirit beaucoup plus performant, et beaucoup plus guerrier, et beaucoup plus victorieux et conquérant que nos amis anglais, qui sont là un petit peu... non seulement sortis de l'Europe, mais pour l'instant sont en train de sortir de l'euro. Mais voilà, est-ce que ce ne serait pas, et là je m'adresse à vous, mon cher docteur, les conséquences psychologiques immédiates du fameux Brexit ? Oui, peut-être une punition divine avec voilà, le fantôme de Michel Platini aux manettes, quoi, comme celui du général Jatti, qui avait prévenu en son temps que finalement l'Angleterre n'avait peut-être pas sa place dans l'Europe. Alors l'Angleterre est en train de nous dire qu'elle n'a pas sa place, mais l'Écosse par exemple nous dit qu'elle a sa place, donc c'est un petit peu complexe comme affaire. Et voilà, l'Irlande du Nord, elles ont montré que ben, on pouvait finalement honorer assez... assez justement sa place en huitième de finale. Pour le Pays de Galles, ça continue. Et puis c'est vrai que pour l'Angleterre, moi, ça ne me dérange pas finalement qu'ils s'en aillent. Vous n'aimez pas trop les Anglais ? Non. Voilà, mon cher docteur. Non. C'est un des rares peuples que... pour qui vous n'avez pas de franche amitié. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup les Anglais en sport, en réalité. Oui, hein. Oui. En matière de sport, je n'aime pas non plus les Italiens, ni les Allemands, encore moins finalement les Néerlandais, qui heureusement cette année ne sont pas là. Donc non, j'ai quand même beaucoup d'inimité dans le monde du sport. Oui, parce que vous n'aimez pas trop les Espagnols, je crois aussi. Les Espagnols, non, je préfère quand même les Espagnols qui, hélas, nous ont quittés tout à l'heure un peu prématurément. Mais il faut voir qu'ils jouaient quand même beaucoup à la passe à 10 avec des redoutables Italiens qui ont décidé de vraiment ne jamais jouer au football, et ça c'est super. Bah ouais. On a encore vu un très beau geste de Thiago Motta, je crois, en fin de partie, qui a mis une belle pêche à son homologue espagnol, qui était Sergio Busquets, qui pourrait en mériter quelques-unes. Mais bon. Il a pris pour Bandao. Voilà, je pense. Voilà. Mais bon, lundi, soirée ravioli, forcément, les Italiens valent l'avantage. Hein. Vous l'avez dit, coach. Alors le score, ça serait 2-1 pour l'Islande, hein, c'est voilà, ça ? Voilà, 2-1 pour l'Islande. Les Anglais, donc par Wayne Rooney, ont ouvert le score. Mm-hmm. Et ensuite, ben, les Islandais sur deux actions de jeu, et notamment sur le deuxième but, une grossière faute de main de Joe Hart, le gardien britannique. Alors qu'on aurait pu croire que pour une fois, les Anglais en fait, avaient trouvé un goal. Et ben, il semblerait qu'en tout cas sur cet euro, ça ne se démontre pas. Voilà. Pour l'amour du risque, non, Joe Hart. Ça ne vous fait pas penser à ça ? Un petit peu, c'est vrai. Coach, bah, vous allez nous expliquer dans très peu de temps les règles du jeu. Simplement signaler à nos auditeurs qu'il n'y a pas d'invité prestigieux ce soir. On suffira à nous-mêmes. On peut quand même considérer que le retour de Brett, c'est vrai, fait un événement qui dépasse finalement la venue de n'importe quel invité. Bah oui. Oui, c'est sympa, coach. On a failli pendant quelques instants avoir le grand Gérard comme invité, puisque je l'ai croisé sur le chemin. Je lui ai dit, grand Gérard, qu'est-ce que tu fais ? Il m'a dit rien de spécial. J'ai dit viens à la radio. Et là, il m'a dit qu'il était quand même un peu fatigué. Il a hésité longuement, il a fait une partie du chemin avec moi pour finalement prendre la direction de son domicile. On espère qu'il viendra jeudi matin, au 99 boulevard Libération. Alors jeudi matin, pour tous nos auditeurs présents qui seront libres à ce moment-là, ils peuvent se déplacer au 99 boulevard Libération pour vous filer un coup de main, docteur. Exactement. Résidence la Madeleine, c'est exactement. Ça exactement. Le Madeleine. Le Madeleine, pardon. Soyons précis. Voilà, c'est pour une activité sportive du matin, un petit peu de gymnastique. Ouais, un petit peu de gymnastique, du lever de carton, voilà, du transfert de poche, et puis surtout de l'ascenseur. Ouais. Du transfert de poche. Qu'est-ce que vous appelez le transfert de poche ? Ah, j'ai un sang de plus en plus excellent, alors je me suis mis au trafic de sang, voilà, tout simplement. C'est parfait. Alors coach, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Expliquez-nous tout. Donc voilà, donc, bah, un petit peu aussi pour profiter un petit peu, toujours un peu dans cette dynamique de la fête de la musique qui avait lieu la semaine dernière et qui était déjà un petit peu décalée à cause de l'Euro voilà, sur Marseille, puisqu'elle a eu lieu le 23 juin. Donc voilà, je vous propose de pousser ce décalage en le redécalant, hein, un peu dans une espèce d'optique comme ça, de déviance. Et donc de vous lancer sur un espèce de match, finalement, entre vous trois, qui va donc vous opposer, hein, j'espère, dans les règles du fair play les plus absolues, hein, interdit de mettre les doigts dans les yeux de l'adversaire. Dans les oreilles, en l'occurrence. Ouais. Et donc ce sont des reprises, parfois plus ou moins probables, disons-le comme ça, de chansons quand même assez connues. Et ce que je vous demande, ce sera de me donner le titre ou le chanteur ou les deux. Chaque bonne réponse, finalement, valant un point. Bah, c'était un excellent programme, coach. Ce sera l'occasion pour vous, mon cher Brett, de remarquer qu'en votre absence, c'est le coach qui a pris la main sur la musique dans Des bâtons d'Anguillon. Oh, j'ai suivi de loin. Ouais, avec, ouais. Avec Maestria, c'est, ouais. Il s'en est plutôt bien occupé. Et évidemment, c'est ça aux dépens du docteur qui pensait là voir une fenêtre s'ouvrir pour lui, enfin. Mais non, ça ne s'est pas passé, finalement. Non, j'ai eu une ou deux occasions de marquer et voilà. Je n'ai pas concrétisé et c'est tout à fait logiquement, finalement, que le coach s'est imposé. Voilà. Là-dessus, je pense que je ne demanderai pas un arbitrage sportif. Il n'y a aucune victoire définitive. Tout est remis en question l'année prochaine. Effectivement. Nous verrons bien l'année prochaine. Alors, dans cette émission, il sera bien sûr question de faire le bilan aussi, hein, de cette saison 2015-2016, et puis peut-être de voir parler de perspectives, voire de prospectives pour l'année suivante. On verra si on a des idées à formuler. Si les auditeurs ont des idées, ils peuvent toujours nous joindre au 04 91 08 28 10 ou 28 15. Ils sont les bienvenus pour d'éventuelles idées, suggestions, conseils même, pour le futur de cette émission et puis pour peut-être notre futur socio-professionnel aussi. Ils peuvent même jouer à notre blind test. Et ils ont des réponses à proposer. Voilà, il ne faut pas qu'ils hésitent. Alors, ils ne vont pas hésiter. Coach, à vous. Vous pouvez lancer le premier morceau, je crois. On est tout oui. Alors, je vous lance le premier morceau. Alors, il faut trouver l'interprète. He's dead, Nettie. What am I gonna do? Why you're going to stay here with me? Main thing is to keep on living. Keep on caring what's going to happen. Remember the sample you gave me. Remember what it says. When you walk through a storm, keep your chin up high. Alice Sabrek. Alors, je vous donne un indice, c'est la chanson originale d'un chant connu, très connu. Un chant très, très souvent entendu dans les stades anglais. Très malhonnête, j'ai vu la réponse moi-même. On cherche l'interprète. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a que moi qui n'ai pas vu la réponse. Ouais. Ça va être compliqué. Il y a des chances que vous ne trouviez pas. On peut essayer de. Moi, j'ai vu son prénom et j'arrive pas à trouver le nom. Alors, moi, j'ai vu le nom. Je peux essayer de vous donner des indices, à moins que le coach ait des indices à nous donner, un peu sous forme de rébus, peut-être pour trouver le nom de famille de cette chanteuse. Oui, donc le prénom de la chanteuse. C'est une chanteuse. Voilà, c'est une chanson qui date de 1945. Peut-être que ça peut vous aider. Ah bah oui, Victory, Victoire. Donc le prénom de la chanteuse est le titre d'un livre de Stephen King, dont l'héroïne principale est une voiture. Ça m'échappe. C'est aussi un bon prénom de cagole. Des excuses auprès des personnes en question qui ne seraient pas des gagoles et qui porteraient ce délicieux prénom mais qui est très dur à prononcer. C'est finalement aussi un prénom qui pourrait être c'est un féminin biblique peut-être. Exactement. C'est un prénom qui est à la fois biblique et en même temps un peu champouineuse. Voilà. Exactement, c'est bien résumé. Et que les Marseillais ont du mal à prononcer. Alors il y a des Marie quelque chose par exemple aussi. Exactement. Marie-Lyne. Marie Barreau par exemple. L'actrice célèbre Christine. Christine. Alors après, je pense que c'est un des noms anglo-saxons dans sa famille, anglo-saxons les plus courants. Christine Scott Thomas. Non. Que ce serait le. Elle serait. Jones. Christine Jones. Christine Johnson. Christine Johnson, je crois que c'est ça. Je pense qu'on peut quand même féliciter le. Montez votre micro un peu, mon cher Paul, parce qu'on n'entend pas très bien. Je pense qu'on peut, on peut féliciter le docteur qui a mis du sien. C'est battu. Alors c'est c'était Christine Johnson. Il ne s'est pas laissé abattre, ni déstabilisé par le jeu pervers un peu de ses adversaires, qui avaient triché, quand même. Donc, je vais refuser le point par solidarité. On l'a vite avoué, coach. Faut te vite avouer, faut te vite pardonner. Je propose de lui mettre au moins un demi-point. Allez, un demi-point. Allez, pour le doc. Il part en tête, comme ça. On a un handicap de 0,5, nous. Voilà. Donc, le deuxième est nettement plus facile, mais il est particulièrement savoureux, à condition d'aimer la pop béarnaise. Oh. François Bayrou. On dirait allumer le feu, hein, c'est on dirait l'introduction d'allumer le feu. Une bonne réponse de la nouvelle. Et qui l'interprète Tourner le temps à l'oreille. C'est Jean Lassalle. Revenir à l'état sans vague. Forcer les portes, les barrages. Véritable. Sortir le loup de sa cage. C'est Pascal Obispo, l'auteur de cette chanson. Sentir le vent qui se déchaîne. Bah, c'est Johnny Hallyday, non, quand même. Mais... Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que c'était l'auteur. Ah oui, celui qui avait écrit. Là, franchement, si vous trouvez l'auteur, je pense que vous êtes vraiment très bien entretenu dans les milieux underground de la chanson française. D'un rien, mais... d'un geste, il suffit là d'une telle chère et d'un monde d'amour pour allumer le feu. Jean Lassalle, c'était une bonne proposition. Jean Lassalle, hein. Et faire danser les diables. Dans la salle pour la deuxième fois. Là, c'est là, une magnifique inversion, une version de Cazoul. Cazoul. Cazoul, voilà. Armand Cazeneuve, dit Cazoul, qui est un peu le roi du bon temps hibernais. Il tient bien son final, quoi. Ah bah superbe. Alors c'est DJ Kutschluck, pardon, dans des bâtons voilà, d'anglais. Donc là nous avons quand même un point pour Manuel et un point pour Brett. Ah donc on passe devant le doc, voilà. D'un coup d'un seul. Que vous avez, fallait pas refuser le point en entier qu'on vous offrait tout à l'heure, mon cher doc. I was afraid, I will survive. Qui est la chanteuse originale de Will Survive? Gloria Gaynor. Barbara Streisand. Oui, Gloria Gaynor, mais lequel d'entre vous l'a dit le premier? Je pense que c'est le docteur. Ah. Un point pour le docteur. Merci Manuel. Plaisir, mon cher docteur. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. Faut qu'on trouve l'interprète là aussi de. Je doute que vous connaissiez The Poupini Sisters. Ah ben c'est, je cherchais ce nom-là, figurez-vous. The Poupini Sisters. Ouais, ouais, je vois très bien de qui il s'agit. Moi, je regrette finalement pas que le grand Gérard soit pas là. Il aurait été redoutable. Il aurait torché au blind test, ouais. Pas qu'au blind test, d'ailleurs. Non. Il aurait piqué vos cigarettes, déjà. Alors, coach, vous êtes bien. On est dans un bon rythme. C'est la fête, voilà. Ce soir, des bâtons d'Anguirou. La fête de la musique. Et un petit peu la défaite, hein, de la musique aussi, suivant certains morceaux. Donc là, un morceau plus facile, mais politiquement très sensible. International. Patrick Sébastien, je sais pas. Donc là, vous pouvez déchaîner vos corps. Hein, bah, c'est ce qu'on fait, mon cher coach. On n'est pas loin de lancer une chenille. C'est mes yeux, alors, qui a chanté ça. Je ne les entends pas, je crois. là c'est une version de l'international, version trans remix industrial dance de Max Klaxon avec à chaque fois deux X. Permettez, l'international, ça me fait penser à une nouvelle théorie soumise par Paul Le Poulpe et Dondé ce week-end lorsque nous traversions la France en camion, qui s'appuie sur les dires d'un universitaire ou du moins d'un... Encore Stéphane Beau ? Mais non, ce n'est pas Stéphane Beau, du moins d'un observateur assez fin du sport d'aujourd'hui, notamment du cyclisme, qui lui dit que par exemple... Le faible niveau en termes de rythme de jeu et de jeu tout court de l'Euro et des compétitions internationales en règle générale s'explique par le fait que le dopage est très organisé dans le football au niveau des clubs, mais finalement pas tant que ça au niveau des équipes nationales. Et du coup, voilà, les joueurs seraient finalement beaucoup moins dopés pendant un tournoi tel que l'Euro. Je ne sais pas si ça vaut, mais c'est vrai qu'en regardant, après avoir connaissance de cette théorie-là, en regardant un match comme France-Irlande par exemple, et voir des courses complètement désarticulées d'un Paul Pogba ou des joueurs un peu essoufflés finalement, je me dis qu'il n'y a peut-être pas que le fait d'être en fin de saison qui pourrait expliquer ça, je ne sais pas. Même si on peut quand même soupçonner Adil Rami d'avoir été dopé au cassoulet. Hein, mais... Alors, il avait l'air très très lourd sur le terrain quand même. Qu'est-ce que vous pensez, vous, docteur, par exemple, de cette théorie ? Oui, cette théorie n'est pas inintéressante. Hein. C'est vrai que Paul Pogba, travaille à la Juventus de Turin, club connu dans le passé pour avoir organisé quand même du dopage, semblerait-il. Notamment avec des joueurs comme peut-être Didier Deschamps et Zinedine Zidane à l'époque qui jouaient pour ce club. Peut-être un retour de bâton donc pour ce Didier Deschamps qu'on voit encore la tête haute pour l'instant dans cet Euro. Mais c'est vraiment pas glorieux et c'est vrai que ça nous pose des questions sur ces joueurs de l'équipe de France qui sont censés être des joueurs exceptionnels et qui montrent pas grand-chose pour l'instant. Moi, je suis absolument persuadé qu'il n'y a pas de dopage dans le foot. Donc, c'est vrai qu'il y a très peu de cas de joueurs repris. Il n'y a quasiment aucun. Ouais. Je pense que Paul Le Poulpe et Dundee sont un petit peu aigris de leur carrière de footballeur un peu manquée. Mais il n'y a pas de dopage. Même quand je vois l'Italie cet après-midi, par exemple, contre l'Espagne, eux, ils n'ont aucun souci de dopage, c'est sûr. Enfin, ils sont fidèles à eux-mêmes. Ils sont en club, comme en sélection nationale, c'est les mêmes. Très al dente. Al dente, al dente. Donc sinon, donc un petit point quand même sur le match, hein, qui est assez, assez viril, mais correct. Mais viril, mais correct, mais quand même viril. Les Islandais ne s'en laissent pas compter. Hein, ils ne se laissent pas intimider quand même par les brutes britanniques. Hein, eux, ils sont en train de dompter hein, les Trois Lions, là, et ils y vont et finalement ils jouent à l'anglaise beaucoup mieux que les Anglais eux-mêmes hein, qui en ont un petit peu perdu leur fighting spirit et leur kick and rush. Et Joe Hart se demande un peu quand même où il est. Mais il a pas eu un retour acrobatique là. Il avait un peu perdu, oui. Oh, et dis donc là on le voit bien, hein. Paf, Vlan. Arrêt du gardien, retourner. Il me semble que l'avant-centre islandais joue dans un des meilleurs clubs de l'histoire du football français. Il me semble. Par contre, c'est lui, Sigthorsson. Vous avez parlé de Sigthorsson ouais. Oui. Il me semble hein, qu'il joue comme ça à Ajaccio, hein, c'est ça. Et c'est, non. Ce club dont vous êtes un fervent partisan. Alors ça pourrait être lui, vous n'êtes pas tombé très loin, mais je crois que c'est plutôt un club. Un jaunard. De l'ouest de la France, oui, tout à fait. Mais il n'y a pas eu une histoire d'ailleurs sur Sigthorsson que justement plus personne ne voulait jouer avec lui En fin d'année, il y a eu un truc comme ça, ça vous dit quelque chose? Je me gourre de joueurs en Sonne. Je ne sais pas, je suis pas au courant. Après, je crois qu'il a fait une saison un peu pourrie, alors qu'il était attendu comme celui qui allait vraiment mettre beaucoup de buts pour cette équipe du FC Nantes. Et puis comme c'est une équipe qui met très peu de buts, normalement ça aurait dû se voir qu'il en marque quelques-uns. Et bien en fait, il n'en a pas marqué beaucoup non plus, donc ça s'est pas vu. Il a quand même dû en marquer 5, ce qui doit quand même représenter la moitié des buts marqués par le FC Nantes cette année. Vous n'êtes pas très loin du compte, je crois, mon cher coach. Bon, après ce soir, donc, il a quand même marqué 50% des buts pour l'instant de l'Islande ce soir. Oui. Sachant que le premier but a été marqué par son comparse Sigurdsson. Sigurdsson, le fils de Sigurd. Alors, est-ce qu'on en islandais aussi, docteur, le son signifie fils de, enfin de. Oui, bien sûr, comme dans la plupart de ces langues d'origine saxonne ou scandinave. Hein, on a le sen chez les Danois et les Norvégiens, par exemple, et le son chez les Islandais et les Suédois. Alors je crois que ça peut nous permettre de parler de littérature, mon cher Brett. Mm-hmm. Les noms de femmes islandaises, l'équivalent ce serait de finir en dotir. Ah oui, tout à fait. Olaf Dotir, par exemple, Olaf Dotir, qui est une auteure islandaise. Au stand de tir aussi. Au stand de tir. Alors coach, à vous la parole pour continuer ce concours. En même temps, je pense que laisser passer un petit silence sur cette blague serait pas mal, hein, histoire de quand même la souligner. Et la faire rejaillir dans toute sa splendeur. Je voulais pas arrêter la discussion sur les femmes de littérature islandaise parce que j'avais pas beaucoup plus de choses à dire. Moi je crois que j'en ai pas, mais je crois que la phase de tir c'est pas mal. Et effectivement, on voit Magic là dans un coin des tribunes là voilà. Mais j'ai l'impression que c'est le coach qui s'est légèrement grimé en Magic pour obtenir sa place dans cette. Ah c'est possible. Vous n'aviez pas de passe à votre nom quand vous avez pris le passe de Magic pour entrer. De toute façon, vous savez très bien que dans l'émission des bâtons d'Anguirou. Nous sommes très communistes, nous mutualisons tout, et donc nous avons un seul passe-presse. Mais peut-être avec la photo de Magic, par contre, quand même, par contre, dessus. C'est possible. Et que, voilà. Oui, mais nous sommes tous un peu Magic quelque part, et Magic est un peu présent en chacun d'entre nous. D'ailleurs, on peut regretter à ce titre que Magic, qui pour une fois avait... grâce à des bâtons d'Anguirou, était invité au magnifique match Angleterre-Russie, n'a pas pu rentrer dans le stade. Alors je ne sais pas pour quelle raison exactement, les organisateurs visiblement de cette première des bâtons d'Anguirou qui étaient invités pour la première fois au Vélodrome, bien Magic n'a pas pu rentrer dans le stade et on est un petit peu triste pour lui. Bah on est triste pour lui, mais je crois qu'ils se sont, et il s'est lui-même rattrapé pour le France-Albanie. L'erreur a été rattrapée, je crois. Ah, j'en suis bien aise. Voilà. En même temps, peut-être que tant mieux pour lui, parce qu'il aurait pu se prendre un coup de castagne. Ouais. Je crois que Manuel, vous y étiez. Alors moi, j'étais. Par contre, contrairement à Magic, c'est peut-être la raison pour laquelle Magic n'était pas au stade lors de Angleterre-Russie. Ah, j'y étais avec Dundee. J'ai peut-être mis les pieds dans le plat, comme on dit. J'y étais avec Dundee, et effectivement, on a... Ah oui, bon, alors ça va, c'est la fête. Bon. On a évité très peu la castagne, et c'est vrai que Magic n'aurait pas forcément été... Il est frêle, hein. Il est frêle, et puis surtout, on connaît son penchant extrêmement pacifiste, il aurait peut-être pas supporté l'ambiance Donc, il peut faire disparaître délétère une cigarette de la fin de match. En termes de magie, mais faire disparaître un russe, c'est plus compliqué. Oui, ils sont très costauds, et ils sont de... Il y a un groupe de supporters russes qui prend beaucoup de place, qui est vraiment très con, très problématique, probablement. Bah, ça avait l'air. Voilà. Ça nous promet, hein, pour la prochaine Coupe du Monde qui a lieu chez eux. Ouais. Je pense qu'ils sauront, hein, ils sauront recevoir tous ces braves. Ah bah, ils savent donner, en tout cas, visiblement, mais probablement ils sauront recevoir. Alors, coach, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour poursuivre ce petit quiz, ce gros quiz d'ailleurs, même, on peut le dire. Alors, un gros petit quiz avec une reprise d'un groupe qui s'appelle The Bad Plus. Voilà. Je vous l'envoie. Il faut retrouver le. Le morceau. Le morceau original et son interprète. Jeux interdits. Très très souvent quand même à la fin des matchs. Quand on dort chez vous. Ah, c'est We Are the Champions. We Are the Champions, bravo Manuel. De Freddie Mercury, enfin Queen du coup. The Queen, bravo, vous marquez 2 points. Oh bah merci coach, je suis très content. Donc vous, vous apprécierez cette, cette version très chopinesque, Debussy-esque ou Satie-esque. Là c'est Brad Meldesque. Coach Lucasque. Là, là je pense que voilà, c'est Klederman qui aurait pris un Tranxène un peu. En tout cas, ça a l'air de jouer un petit peu sur ce terrain. C'est pas du tout le moment de parler de foot, mais quand même, je trouve que ça a l'air de jouer. Ouais, ça balance. C'est, hein, c'est ouais. pour l'instant assez assorti avec le jeu de l'Angleterre. Pas tellement avec l'Islande. Hein. L'Islande étant plutôt métal. Mais les Islandais sont assez réputés, je pense, pour leur, leur métal et leur hard rock. Tout à fait. Mais là, les Anglais, ce soir, oui, sont peut-être une espèce de swing, mais un peu trop lent. Ce ne serait pas le chant du cygne de l'Angleterre ce soir. En même temps, il faudrait bien qu'à un moment donné, il y a un gros qui tombe. Un gros qui tombe, bah, il y a l'Espagne qui est tombée déjà. Quand même. Oui, mais contre l'Italie. Contre ouais. l'Italie. Est-ce que l'Angleterre, c'est vraiment un gros ces dernières années? Bah, cette année, quand même, ils ont une assez bonne équipe. Et ils ont de bons jeunes bien, bien braves quand même. Hein, mais encore bien jeunes. Effectif. Mais on vantait leurs attaquants quand même, c'est ce qui est rarement le cas. Bah ouais, il y avait Vardy qui du coup mais pas titulaire à chaque fois. Et après c'est quand même des très jeunes, il me semble. Il y a Kane mais qui est pas vieux. Voilà, Kane il a l'air vieux mais il est finalement pas si vieux que ça. Non c'est vrai. Bah il y a Rashford là où Rashford, Sturridge, ouais. Tout à fait. Mais ils ont pas des dégâts à eux. Ils ont pas des dés frappés sur la barre. Quand même. Quelle belle rentrée, hein. Voilà. Moi j'ai trouvé. Bon, je serais toujours de toute façon content d'une rentrée de Dédé Gignac. Bah ouais. Mais hier c'était beau. Ouais, c'était bien. Il était à l'aise, il avait envie de frapper au but. On a vu d'ailleurs que dans cette équipe, ça gueulait beaucoup. Hein. Mm-hmm. Les Griezmann et Pogba, ils aiment pas quand on leur fait pas la passe. Et ouais. Bon, ils le manifestent. Ça, je pense qu'il y a un moment où ça va quand même leur être un peu préjudiciable. Alors, un petit morceau. Pour l'instant, hein, nous avons quand même Manuel qui est en tête avec 3 points. Oh, devant le Doc qui a 2 points et demi. Et Brett est à la traîne avec 2 points seulement. Ouais, j'ai 2 points déjà, je pensais que j'en avais qu'un. Alors, un morceau un petit peu de circonstances par rapport au lieu dans lequel nous nous trouvons. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intent at tuning in on you. Quelle réponse attendez-vous, coach? If I was young, it didn't le titre de la chanson et son interprète est original. Oh. Oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine and new technology, and now I understand the problems you can see. La version originale attend bien sûr un peu plus vite. Radio Star. Radio. C'est pas Radio Star le titre de cette chanson? Pas tout à fait, mais presque. Ouais, Radio Kill the Radio Star. Voilà, Radio ouais. Kill the Radio Star. Ah, mais je le prends pas. Qui a chanté cette chanson alors? Mon frère Hanson. C'est le tel plus jeune à la batterie qui chante. Non? Le frère Hanson. Je sais pas, coach. Le frère Hanson n'était même pas conçu à l'époque. Donc, ça, c'est pas la version originale. Il n'était même pas encore un rêve de spermatozoïde à l'époque. Et C'est là qu'on voit qu'on sera jamais le shérif. Moi, je n'en sais rien. Ouais, j'ai un trou total. Alors, Video Kill the Radio Star, une chanson des Bengals. C'est pas un nom de gâteau apéritif, ça. Docteur au goût. Ouais, s'ils sont au goût fromage, je voulais. Non. Ouais. Il y a toujours ce doute. Ce genre de gâteau qui aurait pu étrangler George W. Bush, c'est ça? Ce Bangle, ça pourrait être aussi le titre d'un film coquin, un peu, mais bon. D'une croquine. Alors, un morceau peut-être plus facile, hein, ici, dans une version qui va. À mon avis, beaucoup plaire à Manuel, ah. Qui est un adepte de ce genre d'instrument. Final Countdown. The Final Countdown. The Europe, bravo Brett. Et qui a chanté le C'est Europe. Europe. Europe. Un point pour Manuel. J'avais leur poster dans ma chambre. J'avais pas leur coupe de feu, mais j'aurais aimé quoi. J'ai un point pour le casou. Ah, un bon demi-point alors pour la victoire. C'est donc mendier des points dans ce blind test coach. C'est vous qui jouez, coach. Spectacle pyrotechnique aussi, hein. Le casou est amplifié. Ouais. C'est un casou. Je pense que c'est un casou acoustique, hein. Ouais. Il y en a plusieurs là, non, des casous. Mais de taille gigantesque. Ah là, le couplet, ça va être très bien. Alors, c'est un groupe qui s'appelle les Toy Dolls. Ah bah oui, ok. Pas mal en même temps. Maybe we'll come back. Voilà une chanson, je pense, idéale pour les mariages, les bar mitzvahs ainsi que les baptêmes. Dans cette version là, ouais. Cette version là, oui, parce que sinon, bon, The Final Countdown, c'est un peu. Mais c'est très bien parce qu'elle résume assez bien le match de ce soir. Il y a un petit côté anglais dans le chant choral et un petit côté islandais dans la violence, de la violence du kazoo. Pour l'instant, The Final Countdown est un peu plutôt contre les Anglais ce soir. Hein. Ils sont ouais. Un petit peu là. On joue quelle minute là, coach? Alors nous allons arriver à la 68e minute du jeu. Et je peux vous dire que les Anglais pour l'instant n'ont pas de solution, ni individuelle ni collective. Ils n'arrivent pas vraiment à enchaîner les passes, pas vraiment à être dangereux. Et même physiquement dans les duels, ils sont complètement dominés par les Islandais, hein, qui les font tomber par terre. Alors du coup c'est très mauvais signe pour l'équipe de France. Bah, disons que voilà, peut-être que dans ce match contre les Islandais, qui pour l'instant se profile à l'horizon, puisque le vainqueur de ce match sera effectivement le futur adversaire de la France en quart de finale. On peut dire que là, voilà, pour l'instant, nous sommes en été et les glaçons sont bien au frais. Voilà. Ouais, en même temps, France-Islande, ça a de la gueule, moi, je trouve, en quart de finale de l'Euro. Carrément. Ça me fait penser à une très belle chronique d'un livre qui est sorti récemment. De quel livre parlez-vous, mon cher docteur? Le livre Des bâtons dans Hirou, et je me souviens d'une de ses chroniques qui s'appelait France-Islande. Ah oui. Tout simplement. Oui, de Donde. De Donde, voilà. Oui, tout à fait. Une chronique prophétique, peut-être. Certainement, à mon avis. Je ne me souviens pas du vainqueur. Peut-être que Donde, d'où il est, pourrait nous le signifier. Bah, il est au stade aussi. Avec Francis, Land of Freedom and Hope and Joy, c'est ça? Alors, Francis, Land of Freedom, freedom and Hope and Joy. Hope and Jail. Joy. Hope and Joy. Joy. Ouvrez les vannes. Les vannes. Ouvrez les mâchoires. Hope and Joy. Hope and Joy, à ne pas confondre avec le chicken choy marseillais. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, on fait souvent là. Oui, ça arrive très souvent à Marseille, ouais, hein, qu'on fasse cette confusion. Regardez surtout ce beau tacle sur Jamie quand on prend le ferry boat. Alors là, c'est un vrai beau tacle défensif, ça c'est beau. Là, je pense que les spécialistes du tacle, comme Thomas Quentin par exemple, apprécieront. C'est sûr. Là, je pense qu'Adil Rami s'est levé et est allé bosser, quoi. Direct. Ce livre des bâtons d'Anguirou dont vous faisiez allusion. Vous faisiez l'apologie, vous faisiez à l'instant l'apologie. Faut se dépêcher de l'acheter parce qu'il n'y a pas tant d'exemplaires que ça. Et oui, c'est un livre qui n'a été tiré qu'à 200 ou 300 exemplaires, je ne sais plus trop. 200, il me semble. 200 s'accumulent. Hein, Ventes s'accumulent pour l'instant, voilà. Donc, collector dès sa parution. Hein. Oui, c'est possible que le titre soit épuisé avant l'été. Oui, ce serait dramatique avant la fin de l'euro. Ouais. Voilà, bon, mais bon. Qui sait si le préfet, notre formidable éditeur nous fera une petite réédition, on ne sait pas. J'ai ouï dire qu'il serait peut-être présent sur la table du feed. Pendant le feed, peut-être que le livre des bâtons d'Anguirou fera son apparition sous la forme de quelques exemplaires Ça n'a aucun rapport, a priori, mais... Il n'y a pas un film sur l'équipe de DBDGR au feed? Peut-être bien. Dans les écrans parallèles? Ben, alors voilà, parlons de perspective, peut-être pour l'émission des Bâtons d'Anguillon. Nous avons fait, avec l'aide d'un éditeur, Vanloup, les éditions du Préfet, qui a été notre invité au mois de décembre l'année dernière, un livre cette année. Quel va être notre objet de l'année 2016-2017? Peut-être un disque? Je ne vois que ça, un disque. Un disque, Un t-shirt, ça serait un petit peu frustrant. Mmh. C'est vrai qu'un disque serait de la gueule, ce serait l'occasion de ressortir notre groupe aussi, peut-être Alain Légilou. Peut-être même un opéra. Peut-être même un opéra. Voire une comédie musicale. Mais qu'on pourrait mettre sur un disque, coach. Moi, votre esprit de contradiction, coach. Je l'annonce en avant-première, mais on m'a proposé de rédiger, hein, c'est particulier, une autobiographie. Ah, donc, une autobiographie voilà, ou une bio. Est-ce que je sais qu'on vous a aussi proposé deux biographies voilà, récemment. Mais finalement, ça s'est transformé en autobiographie. Voilà, je co-rédige l'autobiographie d'un certain chouchou. Voilà, voilà, j'espère que ça devrait sortir pour la... Le premier tome. Parce que je crois que ce sera en plusieurs tomes. Pour le lancement de son café-théâtre, puisqu'il va avoir normalement un café-théâtre sur la grande place de Forca, comme on dit. Et voilà, peut-être pour le 1er juillet. Un beau dire, mais il a du nez, ce chouchou, quand même. C'est le moment de sortir une autobiographie. Et aussi une biographie, un livre un peu sérieux sur Michel Sardou, je crois, qui se profile pour vous, docteur. Non, j'ai refusé. Ah bon ? Non, Michel n'appréciait pas trop les nègres, bizarrement. Alors là, on voit, puisque nous, on a un petit écran de contrôle dans le studio, pendant que vous, coach, vous êtes tranquillement dans la chaleur et la moiteur du stade. Là, l'ambiance ici est totalement islandaise. Hein, dans le stade, il y a vraiment... Là, les Anglais sont complètement éteints de la théière. Là, c'est clair qu'il n'y a plus... ils essaient vaguement de faire un jeu de passe collectif complètement à côté de la plaque. Tandis que les Islandais procèdent par contre, et la vivacité vraiment déborde complètement hein, ces pauvres Anglais qui, finalement, sont un peu débarqués. Alors, je crois que vous êtes à Nice. Je viens d'avoir l'information, coach. A priori, vous êtes dans le nouveau stade de notre cher président de région. Oui. Enfin, donc, c'est une ville, finalement, je pense qu'il ne vaut mieux pas en parler. Mm-hmm. Donc, voilà, on va faire comme si on ne savait pas vraiment où on était. Je pense que ce stade, d'une certaine manière, est un petit peu une sorte de deal hein, qui aurait fait son Brexit à Nice. Ok. On continue le blind test, coach ? Alors, on continue le blind test. Ici, donc, une version, je pense, qui va beaucoup vous séduire, parce que c'est de la musique country, et je sais que vous êtes tous très fans de musique country. Oh, bah alors là, surtout, c'est votre rêve. C'est votre rêve d'enfance, hein, je pense, de jouer du banjo. Et donc, voilà, je vous l'envoie. On en joue du banjo. Eye of the Tiger. Bravo. Qui est quel groupe a chanté Eye of the Tiger? Les Rockies. Les Redneck. Ça ressemble à Terminator, non? Mais c'est quoi? C'est les... Alors vous avez déjà les deux dernières lettres. Ça finit par or. C'était les gladiateurs avant de se mettre à fumer des pétards. C'est une très bonne version. En fait, c'est une version d'un groupe qui s'appelle Bluegrass. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Alors c'est un groupe qui chantait qui s'appelait Survivor. Ah, Survivor. Ah oui, bah oui. Survivor. Tout simplement. Survivor. Donc ici, chanson française. Ah. Un grand classique de la chanson française. Ça, c'est pour le doc. Qui a... peut-être, peut-être pour le docteur, donc c'est parti. Oh. Peut-être salir la France. Le coup que je vous mets des bâtons. Didier, super. Les gens, c'est une reprise de Jacques Brel. De Georges Brassens. Brassens. Brassens, oui. Un point pour le doc. Et quelle chanson? Les gens. Je ne fais peur à personne. Je ne fais de mal à personne en croquant les voleurs de pommes. La mauvaise réputation. Oh, la mauvaise réputation. Bravo, Brel. Qui a fait la musique. C'est un groupe qui s'appelle Sida Beatball. Comment ? Sida Beatball. Ah ouais. Version La mauvaise réputation, version 8-bit. D'accord. Bah, c'est pas mal. Je reste, le prochain reste dans la chanson française. Il est à noter quand même que le nom du groupe est assez intéressant, puisqu'il s'appelle Bonnet Nem. Ah. Qui est plutôt un groupe russe, hein, qui n'est pas du tout un nom. Vietnamien. Vietnamien. Daddy Cool. Chanson française. Chanson. Ah pardon. Chanson française. Top 50. Voyage, voyage. Alors, qui attribue le point? Vous avez un petit peu parlé en même temps. C'est Manuel, Manuel. Je crois qu'on peut nous attribuer un demi-point chacun. Un demi-point chacun. Ouais, Manuel a lancé l'interprète derrière. Ça mérite. Alors, qui est l'interprète de la chanson originale Voyage, voyage? Je crois que vous nous entendez vraiment pas, mon cher. Une jeune femme. Désirless. Désirless. Un point donc pour Manuel. En même temps, si je vous mets pas, on n'entend plus rien. Comment? Là, on n'entend plus rien. Je me permets de vous signaler quand vous poussez le son à fond les manettes, mon cher coach. A priori, pour nos auditeurs, c'est un peu compliqué. Ce type de musique est fait pour... écouter être saturé. C'est vrai. Ça casse un peu les oreilles, donc c'est un petit peu aussi casser la bande son. Ouais, comme disait Feu Lémy, si c'est trop fort, c'est que vous êtes trop vieux. Alors donc, puisque vos récriminations sont prises en compte, hein, une version beaucoup plus gentillette, à nouveau d'une chanson quand même très très rock. Satisfaction. Les Rolling Stones. Highway to Hell. Highway to Hell. Ouais, c'est pas ça. ACDC. Bravo à l'ami Brett. Voilà, c'est une version de Highway to Hell à la harpe. Fait par un duo. Un duo de jeunes femmes de très blondes et très américaines. Qui s'appelle. Harp Twins, je pense, qui ont un très grand succès, hein, promis, je pense. Ah oui. Faut ça mériterait bien. Au moins l'Eurovision. Ça me fait penser à autre chose. Tout à l'heure, vous avez fait mention de l'ancien chanteur de Motorhead, c'est ça, qui est décédé cette année. Tout à fait. Il y avait récemment dans ma région le grand festival de métal, le Hellfest, tout à fait. À Clisson, oui. Et bien a été inaugurée cette année une statue du chanteur Lemmy Kilminster. Ouais. Ouais. D'une bonne dizaine de mètres de haut. Je crois que c'est vraiment pas de la gnognotte, c'est une belle statue. Pour reparler de votre région, mètres, Manuel. C'est un peu beaucoup, peut-être. Oh, Excusez-moi, mais pour reparler un petit peu de votre région. Ah, c'est vrai, que le Fest, vous en foutez complètement. Hein. Complètement. Il me semble que donc vous avez voté pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est bien ça. Vous êtes informé, oui. Mon cher docteur. Vous avez voté... Je suis très content de ce résultat parce que la métropole nantaise va enfin pouvoir jouir d'un équipement à sa hauteur et du coup d'un aéroport, l'ancien Château Bougon rebaptisé Nantes Atlantique ces 15 dernières années va arrêter d'empoisonner le quotidien des habitants de Bouguenay, une petite bourgade proche de Nantes. Et puis voilà, un équipement, je le dis, à la hauteur de cette population qui mérite qu'on s'occupe d'elle, de la sorte. Merci. Moi, j'aurais eu tendance à dire que vous avez plutôt voté pour Vinci que pour un aéroport, mais bon, après Vinci Construction. Mais bon, après, ça coache les mauvaises langues qui. C'est toujours des questions de point de vue. Hein, tout à fait. C'est un petit peu comme pour les statues, hein. Plus les statues sont grandes, plus les pigeons sont heureux, c'est bien connu. Et alors je vous passe... pour des idées, moi, hein. peu m'importe les gens, mon cher coach. Voilà, donc avant d'enchaîner, hein, une petite chanson, est-ce que vous saurez reconnaître, là, une spéciale, vraiment spéciale dédicace à la fête de la musique, c'est vraiment le morceau fête de la musique. Donc est-ce que vous avez, même avant même que je lance... Téléphone, Jacques Lang. Jacques Lang, Patrick Sébastien. Téléphone. J'essaye une quatrième fois. C'est pas ça. Bon. Jeux interdits. Bon. Je Balavoine. Je vous le lance. Vous n'êtes pas assez internationaliste sur l'affaire. Tantum. Tantum. Tantum. Nirvana. Nirvana. Tantum. Smell Like Teen Spirit. Oui. Bon les amis, je crois que le Brett est en train de vous mettre une véritable déculottée. Bon bah on avait des points quand même. Tout à l'heure on était en tête avec le doc et là bien croire. Là Brett mène 10,5. Mon cher doc, vous n'avez que 4 points et mon cher Manuel, vous n'en avez que 5,5. 5,5 seulement. C'est pas beaucoup. Donc, il est temps de vous réveiller. Je pense qu'ils vous entendent pas dans le micro, c'est tout à mon honneur. Vous êtes un peu à l'anglaise. Hein. Vous êtes un peu comme les Anglais ce soir. Et Brett, vraiment une âme d'Islandais, hein, de guerrier islandais, c'est viking. Vrai. C'est vrai. On a encore noté un magnifique mouvement de cette équipe islandaise, de contre-attaque, avec, je ne sais pas si c'est le joueur nantais, cet avant-centre. Non, il est trop barbu. C'est un autre, c'est le capitaine. C'est le capitaine islandais. Le capitaine islandais. Et qui donc... a crocheté par deux fois le défenseur qui s'est retrouvé à terre et qui a failli une nouvelle fois tromper un Joe Hart qui pour une fois était bien sur ses appuis et qui a réussi à détourner la balle en coup de pied de coin. Mais j'ai l'impression que l'Islande possède un... Fou, il y a encore une tête qui passe pas si loin que ça débute. Des attaquants qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup peur du contact physique et quand même plutôt envie de le rechercher. Et de s'en sortir assez bien dans cette histoire-là. Du coup, nos défenseurs français vont avoir maille à partir avec cette équipe d'Islande, peut-être. Ben, comme souvent, hein, pour les joueurs des pays nordiques, on peut dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Ah. Et qui est-ce qui va jouer d'ailleurs à la place de Adil Rami en défense centrale? Sans doute le fameux Eliakim Mangala, peut-être. D'accord. L'info du journal de référence en la matière disait que c'était probablement Umtiti tout à l'heure qui était pressenti. Je pense que ça va dépendre de l'adversaire. Si l'Angleterre réussit à se réveiller. Chaque fois que j'entends Umtiti, je pense à Grominet, mais après. Ça va dépendre de l'adversaire. Je pense que si l'Angleterre passe, ce sera probablement Mangala, mais si c'est l'Islande, peut-être plutôt Umtiti. Bien, coach. Bah, de toute façon, c'est vous qui choisissez, c'est vous, coach. Donc oui. c'est vous qui allez, qui allez faire la sélection. Personnellement, moi, je suis plutôt partisan de faire jouer Umtiti. Ah ouais. Mangala étant un joueur, finalement, ils ont un peu comme Adil Rami, quoi. Peut-être des joueurs qu'il n'y aurait pas fallu choisir, peut-être. Ah oui, c'est cash. On regrette Philippe Mexès, quand même. Hein, ouais, à ce moment-là. On regrette Jérémy Mathieu, parce que ça aurait fait... Ouais, lui était blessé. Ouais. Alors que Philippe Mexès... Ah, Philou, en pleine forme, hein, ouais. Je pense. Il était prêt. Ouais. Il devait être en boîte alors. Il avait le sac dans le coffre, prêt à partir. Ah ouais. Il était bronzé, il était prêt. Dédicace à mon cousin, Philippe Mexès. Il avait même les boules au but, je pense, dans le coffre. Les quoi, pardon? Les boules au but. Les boules au but. Alors, coach, là, il y a un coup franc pour l'Islande, mais ça ne va pas vous empêcher de passer votre prochain morceau. Je vous lance le prochain morceau qui est une musique qui a un petit peu bercé notre enfance. Je tiens à préciser. Une musique de dance music. Ah. Qui a quand même marqué le top 50 hein, de l'époque. Qui est ici dans sa version un petit peu manouche. Mais bon, la dance music des années 90 était finalement un petit peu manouche de boîte de nuit à son époque. Ooh, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Hardaway. Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. Alors, you'll find le titre n'est pas exact, hein, c'est pas Pump It Up. Pump est un bon début. Pump up the value. C'est Pump et quelque chose. Ouais. Ah ouais. Make my day. Make my day. Make my day, make my day. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Non. C'est un merveilleux groupe qui s'appelait Technotronic. Ah ouais, oui, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu des points de marquer dans cette session? Ben, Docteur bref, exulte, je pense. Brett a marqué le pop-up de Jen. Ouais. Il est pas beau, mais... C'est sans doute dû à son bilinguisme célèbre et célébré sur les ondes radio. Tout à fait. Bilinguisme dans lequel le docteur a excellé. Lors du foot Albanie d'il y a 15 jours. C'était quasiment du trilinguisme. Ouais, quasiment. Hein, vous avez été par Mons et par Vaud dans cette émission. C'était une émission extrêmement sonore. Oui, c'était une émission très très sonore, hein, avec une formidable traductrice, des invités formidables. Mm-hmm. Et voilà, c'était à l'image du comportement de l'équipe d'Albanie, deux jours plus tard, qui nous a fait un merveilleux spectacle, qui a tenu tête à une équipe de France qui aurait pu peut-être... faire match nul et puis basculer dans l'autre partie du tableau, ce qui n'aurait pas été bien grave pour elle. Et puis on relèvera quand même que cette équipe d'Albanie, eh bien, elle était pas loin de se qualifier puisque trois jours plus tard, elle battait la Roumanie. Voilà, donc quelque part, c'est en tout cas c'est meilleur troisième et ce système à 24 équipes de l'UEFA qui est certes fait aussi pour maximiser très probablement le nombre de rencontres, pour développer les marchés dans les pays émergents, etc. Le nombre de touristes aussi. Le nombre de touristes, qui arpentent les territoires, ça c'est sûr. Mais force est de constater d'où un nouvel aéroport nécessaire dans l'ouest de la France. Oui, le jour où ils accueilleront des rencontres internationales. Ben, pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, peut-être. Les Jeux interceltiques, peut-être. Pourquoi pas. En tout cas, ça a fait plaisir pour cette équipe d'Albanie et on espère qu'elle reviendra encore plus fort. Voilà. Un beau public en plus. Ouais, un public sympa, Marseille apparemment. Enfin, ça c'est Magic qui nous rendra compte bientôt. Et on a découvert des supportrices d'ailleurs de très grande beauté chez les Albanaises. Magic est d'accord, c'est lui qui l'a dit. En tout cas, il n'a pas été complètement insensible au charme albanais qui sévissait sur le plateau des bâtons d'Anguirou il y a 15 jours. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il a de la fièvre d'ailleurs. C'est... On salue Magic, une fois de plus, qui nous manque. Alors coach, 2-1 toujours pour l'Islande, c'est la fin hein, de ce match. Oui, donc des Islandais hein, qui sont tranchants, vifs, qui vont de l'avant, tandis que les Anglais sont absolument incapables hein, d'être dangereux, hein, comme si les Lions s'étaient fait arracher leurs griffes et leurs crocs avant le match. On voit pas des... Ils étaient passés chez le docteur Cohen, quoi. On ne voit pas Vardy complètement transparent, une attaque complètement incohérente, des joueurs qui essaient de faire la différence tout seuls sur les ailes. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Là, on croirait voir jouer l'équipe de France, en fait. Oui, mais la valeur de l'efficacité en moins. La valeur de l'équipe d'Islande est peut-être aussi une des raisons de la désorganisation anglaise. Je pense que les Islandais, finalement, ont un jeu assez simple, mais qu'ils maîtrisent parfaitement. Et qui, ce soir, finalement, prend toute sa valeur et toute sa densité face à une équipe qui a un peu perdu le sien. Moi, de valeur et de densité. De jeu. De jeu, d'accord. Voilà. Oui. Les Anglais, finalement, en essayant d'avoir vraiment un jeu à la continentale, un jeu de passe, un jeu léché, un jeu de possession, finalement, on n'y arrive pas ce soir, en tout cas. Ouais, on voit quand même que c'est le socialien qui parle en vous, et c'est vrai que vous n'êtes pas le type de lion à qui on arrachera sa croix, ça c'est sûr. Oui, même si le socialion, finalement, a quand même bien perdu de sa superbe. Et le socalion, alors, qu'est-ce qu'on... Ah oui, c'est vrai que vous qui êtes en direct de cette métropole méditerranéenne de la banlieue marseillaise, peut-être qu'il y a de la socalion que vous dévorez actuellement. Allez, musique, coach, faites-nous rêver. Alors, pour vous faire rêver, je pense que la typologie de musique, hein, le style, c'est quelque chose qui va, je pense, parler profondément, surtout au docteur. Donc là, il s'agit d'un groupe qui s'appelle Layback, qui est un groupe de musique industrielle slovène. Donc, peut-être des terres qui peuvent un peu parler, des terres un peu yougoslaves qui peuvent parler. Ah oui, bien sûr, je connais bien le monde underground de slovène dans lequel je me suis produit. Voilà, ouais. Donc, à nouveau, hein, une musique voilà. un peu dance, un peu une musique de boîte de nuit, une musique de boom, peut-être, des années 90. Pour une petite histoire, quand même, en Slovénie, avec l'ami Damir Avnich, qui est un membre des JO Petré, un membre. Un frère un petit peu de Débattons d'Anguirou, nous avons pris une pêche chacun par un supporter de Maribor. Maribor. Ce fameux club. Qui n'est pas moribond. Non, qui n'est pas moribond, visiblement, étant donné la qualité. De la pêche reçue. De la pêche reçue. Pêche méritée, peut-être. Pas du tout, non. Ah non, nous étions vraiment en train d'essayer de régler des problèmes avec diplomatie. Ça n'a pas fonctionné. Donc je vous envoie les bacs. Life is life. Life is life. Merci à qui Life is life. J'étais plongé dans le match, mais je n'ai pas bien vu. C'est le life. Il faudrait me la refaire au ralenti là. C'est le docteur, hein. Il y a pas photo. Donc quel groupe a chanté cette merveilleuse chanson Life is life? Je ne sais pas, mais on vit un instant historique. Life is life. Et je crois que ce sera l'hymne islandais ce soir. Brexit. Oui, mais bon, il fallait quand même bien à un moment donné que les Anglais payent leur choix. Hein. Il faut assumer ses décisions. Hein. Laissez parler l'émotion, coach. Même si là, ça ne s'est pas décidé sur un vote, mais sur une véritable compétition. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler des victoires des Islandais plutôt que de défaites des Anglais. Mais est-ce que quelque part... Frankie goes to Hollywood. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais est-ce que c'était pas un peu prévisible, coach, cette victoire de l'Islande? Question piège. C'est-à-dire, la victoire, elle était possible au vu du parcours de l'Islande, finalement, au sein de cet Euro, qui a su habilement jouer de ses qualités. Mais par contre, par rapport au tournoi de qualification, où les Anglais, quand même, ont gagné tous leurs matchs en tournoi de qualification... C'est-à-dire qu'ils arrivaient à 7 euros en ayant finalement une liste de victoires qui n'ont pas su répéter au sein d'une compétition vraiment importante. Mais en tout cas, ils ont gagné tous leurs matchs de qualification. D'accord. À domicile comme à l'extérieur. Par ailleurs, je crois que c'est le groupe Opus qui a chanté Life is Life. Oui. Bravo Manuel. Ça m'est revenu comme ça là. Mais Manuel, vous venez d'utiliser votre téléphone portatif. Pas du tout, c'était pour regarder l'heure, parce que je voyais l'heure tourner et l'émission des Bâtons d'Anguirou, comme vous le savez, n'est pas infinie. Moi, j'ai rien vu, moi. J'ai regardé l'écran. Bon, très bien. Soyons fair play. On regardera la bande de vidéosurveillance. Ouais. Vive l'Islande. Parce que, on n'a pas le droit de tricher maintenant dans le blind test du coach. C'est ça que vous voulez dire, docteur. Non, mais en tout cas, on voit qu'une nouvelle fois, le tableau de l'équipe de France se dégage très simplement, après avoir affronté cette terrible équipe d'Irlande qui avait arraché une victoire contre les Italiens alors que jusqu'alors, elle n'était pas du tout dans les qualifiés possibles. On a maintenant l'Islande en quart de finale. Avant, on l'espère l'Allemagne ou l'Italie, ce sera forcément une des deux en demi-finale. Ce qui va nous faire. L'Allemagne s'est qualifiée comment? En gagnant 3-0 avec brio. Avec brio, en jouant bien et tout ça. Oui, elle joue pas mal. Elle joue pas mal. Les Allemands, ça y est, sont arrivés. Oui. Les Allemands jouent bien au football. Et les Français contre les Islandais? Ça vous fait mal, ça, de dire ça. Un peu mal au cul. C'est toujours un peu douloureux, mais oui. Les Français contre l'Islande vont quand même devoir un peu se mettre à la muscu. Ça risque d'être compliqué quand même. Là, il va falloir être efficace offensivement. Je pense que des occasions, il n'y en aura pas des tonnes. Et ils auront bon multiplier les centres un peu foireux, comme savent si bien le faire Evra et de l'autre côté, j'ai complètement oublié son nom. Sania, il a quand même deux passes décisives quand même. Il faut saluer la compétition de Bakary Sania. Le Bakary Sania qui réussit un centre sur 20. Oui, mais donc finalement, deux décisives. C'est au moins, vous me direz, c'est 100% de plus que Evra. Mais Evra, il n'a pas du tout centré sur le dernier match, je crois. Non, il n'était même pas en défense. D'ailleurs, on se demande où il est depuis le début de l'Euro, Evra, mais. Vous êtes bien critique, coach, je trouve, à l'égard de cette défense française. Je suis un peu d'accord sur le cas Patrice Evra, qui quand même c'est absolument miraculeux que ce joueur soit dans cette équipe-là. Je pense qu'il y a sans doute un truc un peu sexuel avec Deschamps, je pense, entre les deux. Mais en même temps, ça voudrait dire mettre quelqu'un d'autre à sa place. Alors du coup, qui mettre à la place de Patrice Evra? Philippe Mexès. Il y a Lucas Digne. Oui, c'est vrai qu'il y a Lucas Digne. Au cas où, sinon on rappelle. Et Pascal Chibonda. Arrière-gauche ou non, arrière-droit? Arrière-droit, Chibonda. En tout cas, les Islandais, franchement, là, nous offrent une magnifique chorégraphie, digne d'un haka nordique, un haka viking. Donc je pense que c'est dommage que vous ne puissiez pas voir ça. Ces bras qui se lèvent, ces mains qui claquent et ces barbes dignes du hype new-yorkais. C'est vraiment un spectacle des plus magnifiques. Tant de joie, finalement. Vous nous communiquez assez bien cette ambiance délirante. On a vraiment la mesure de ce qui se passe. C'est vraiment là une macarena islandaise, je pense, qui ravirait les plus latins d'entre nous. Donc pour rester un petit peu dans une ambiance nordique, je vous propose de reconnaître un petit peu ce morceau, qui est un morceau chanté par Anna Sweet, un morceau folk. Son tube de A.A. Take on me. Merde, je l'avais. C'est le bonjour à Jérôme Bertin, avec qui j'ai fait une émission en solo ici, l'émission Foot Patard, qui est un très bon souvenir pour ma part. Jérôme Bertin est avec l'ensemble de l'école de Limoges, une école de poètes reconnue en France aujourd'hui, fan de AA. Et c'est un sacré fan de foot aussi. Ah, tout à fait. On le salue, Jérôme. Salut, Jérôme. Donc on enchaîne sur un peu de musette. Sex bomb. Qui a donné la sex bomb? Je pense sens que c'est Brett, hein, mais c'est pas le moment d'être sport, Manu. Là, vous remontez à fond là. Donc... Bah, je le prends, c'est pour vous. Maintenant, un morceau qu'on entend souvent dans les travées des stades. Ouais, White Stripes. Après, j'ai oublié le titre. I'm gonna fight them all. FIFA 98. Ah, Seven Nation Army. A Seven Nation Army couldn't hold me. Juste avant que ça arrive. Bravo, Brett. They're gonna rip it off. Maintenant, à nouveau, chanson française, un grand classique. D'un chanteur aujourd'hui décédé, mais que nous regrettons beaucoup. Et que les grosses têtes elles-mêmes regrettent. Dans une version assez. C'est Sim. Assez difficile. Carlos. C'est pas Big Bisou? Non, c'est pas Big Bisou. Joli pavon sur le chihuahua. Bravo. Après ceci, un peu disco, mais quand même, coach, si je peux me permettre une petite question à votre rencontre. Les auditeurs se posent la question, combien de temps pour vous dure une journée, coach? Parce que comment est-ce que vous avez le temps de trouver toutes ces merveilles musicales alors que vous faites déjà beaucoup de choses entre vos croquis, entre votre emploi, votre vie de famille? Je pense qu'on peut dire merci à Internet et surtout il y a un merveilleux site de... Donnez pas vos sources. Qui compile toutes les reprises ainsi que tous les samples. Très bien. Donc en fait vous bossez pas trop, on est rassuré. Donc voilà, c'est simplement... c'est merci les startups. Staying alive, allez hop. Bon, je ne vais pas comptabiliser ceci, il était lancé trop tôt. Un petit retour à la chanson française, un grand classique aussi. Allez Doc, c'est bon. Allez Doc. Serge Gainsbourg. La mère qu'on voit danser, c'est Charles Trenet. Manuel, vous nous faites une remontée des plus spectaculaires. Doc, c'était pour vous quand même ça. Donne mon point pour Opus au Doc. Je tiens à préciser que le Doc est complètement aux fraises. Je lui donne mon point pour Opus parce que. Je sens qu'il a posé une réserve de toute façon sur ce point. Je pense que ce morceau-là est pour lui. C'est voilà, le connaissant, hein, sa faculté à se coiffer. Je pense que ce morceau est pour lui. Money. Ah ouais. C'est vrai que ça ressemblait à Money. Ça ressemble. Non. Get up, stand up. Qui a chanté Get up, stand up? On me laisse le dire ou pas? Allez-vous, Doc. Je vais peut-être pas trouver, mais je réfléchis. Get up, stand up. C'est vraiment, sûrement quelqu'un qui ne voyait pas très bien. Gilbert Montagnier, François Hollande, James Bond, James Bond a le permis de tuer, attention, il voit très bien. James Bond, c'est mon dernier mot. Ou Stevie Super. Mélange de Didier Super et de Stevie de Stevie du Love. Stevie du Love. Je m'arrêterai là, coach. J'ai une famille. C'était Bob Marley. Stand up for your rights. C'est ce qu'il voulait dire. Si on lit entre les lignes, c'est exactement ce qu'il voulait dire. Je sais pourquoi on lui accorde le point. On lui en met deux même. Il est épuisé par l'effort. Il faut le dire aux auditeurs. Le doc est épuisé par l'effort qu'il vient de fournir. Alors, je vous en propose une petite dernière qui date de 1971. On peut déborder. Brett a ouvert la chemise. On est bien. Il fait chaud, certes, mais. Pour finir l'émission, je pense, avant que ça va clôturer l'émission. Ah bon? Le suspense est entier. Le suspense est entier. Est-ce que vous êtes prêt? Ah bah là, oui. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à être prêt? Ah, quel ambianceur. Donc j'envoie la sauce. Ennio Morricone. C'est pas Simon & Garfunkel. Sound of Silence. Non. Bravo. Je crois que Brett aura vraiment une âme islandaise ce soir. Je vais finir par mes racines. Ah. Dites-le à l'antenne, donc ne soyez pas si timide. Bonsoir. Je dois vous quitter. Ouais. Voilà. Comme disait l'autre en se caressant le crâne, je m'en vais. Vous quittez la vie radiophonique, c'est ça? À moins que les Français ne me rappellent. Of Silence de Simon & Garfunkel par Pitches and Herb, date de 1971. Il fait un petit peu penser au Jackson 5. Qu'est-ce qu'on fait, coach? Est-ce qu'on s'en fait une petite dernière? Ou alors dites-nous les scores et puis on s'arrête là. Au niveau des scores, donc, nous avons une victoire écrasante de l'ami Brett, qui pour son retour, finalement montre qu'il restera jamais le champion. C'est le premier quiz que je gagne, premier jeu que je gagne. Je vais l'apprécier à sa juste valeur. 16 points et demi pour l'ami Brett. Bravo, non Brett, très sérieusement, bravo, ouais. On a envie de vous applaudir ce soir. Ouais. Vous avez eu pas mal de temps cette année pour bosser, c'est vrai, vos connaissances musicales. Bien sûr. C'est vrai que 2015-2016 a fait de vous quelqu'un d'autre au niveau du blind test, parce que c'est vrai que c'est le premier jeu que vous gagnez, je crois. Tout à fait, il n'y a pas d'hésitation possible, j'ai toujours tout perdu. Et ça fait plaisir de vous retrouver dans le camp des vainqueurs, même si de fait, il y a des vrais perdants ce soir, Nous en sommes, Manuel, j'en suis principalement. Je sais pas, peut-être vous êtes deuxième, on va voir le coach annoncer le reste des scores. Le deuxième est Manuel. Ah, bah non. Voilà. Avec 11 points et demi. Ah, tout de même. Tout de même. J'ai passé la barre des 10. À moyenne. Oui, vous avez passé la barre des 10. Le doc finissant quand même sur le podium. Hein. avec 7 points. Et c'est honorable, cher Doc. Voilà. Oui, 7 points. Une troisième position, ma foi, une médaille de bronze pour le Doc. Et on peut finir troisième de groupe et puis faire une grande carrière par la suite. Donc voilà, qui sait. Merci coach d'avoir animé cette belle fête pour finir cette saison de Des Bâtons d'Anguirou. Que dire sinon qu'on se retrouve l'année prochaine très certainement, une équipe qui sera peut-être géographiquement un peu plus éparpillée, mais tout comme la diffusion des Bâtons d'Anguirou le sera, puisque on peut annoncer à nos auditeurs de l'Est de la France par exemple qu'ils pourront nous entendre une à deux fois par mois sur une radio dont le nom m'échappe, coach, mais comme vous êtes plus ou moins originaire de la région dijonnaise, du moins proche. Ah, Radio Campus. Radio Campus, ça s'appelle Radio Campus. Radio Campus, oui, les locaux de la radio sont situés sur le campus de Dijon. Sur le campus sur lequel vous avez usé vos fonds de culotte. Voilà, j'ai usé quelques fonds de culotte et quelques fonds de bière aussi. Des fonds de veau aussi ou pas? Pas tout à fait, plutôt en sauce. Plutôt en sauce. Et certainement pas de fond de teint. Sauce au vin. La sauce au vin dijonnaise. Et il me semble qu'à Dijon, il y a la moutarde aussi. Voilà, il y a la moutarde, il y a le pain d'épices. Et le pain d'épices trempé dans la moutarde, trempé dans le vin rouge. Ah, alors ça, c'est une recette que vous dévoilez à nos auditeurs, coach. Voilà, pour les gâteaux d'anniversaire des enfants, c'est l'idéal. Donc, docteur, on ne sait pas exactement où vous serez l'année prochaine, mais vous serez dans Des Bâtons d'Anguirou, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une nouvelle qu'on peut annoncer à nos auditeurs. Oui, quoi qu'il arrive, je ne serai pas transféré. Voilà, je serai peut-être sur le banc ou en mode télépathique. Vous serez peut-être un super sub, éventuellement. Je serai peut-être un super sub, effectivement. En mode satellite, Un super remplaçant. Un super remplaçant. Enfin, est-ce qu'on peut dire remplaçant pour sub? Quand on a un super sub, on est juste un joueur occasionnel. Un joueur qui, en tout cas, à chaque fois que vous rentrez sur le terrain, vous marquez. Voilà. Le super sub, c'est ça. Le fameux Solskjaer de Manchester United. Exactement. À son époque. Mais je devrais passer plus de temps sur le banc, alors, et j'espère que l'année prochaine sera une super saison pour moi. Comme l'un des super combattants de Mortal Kombat. On vous souhaite une super saison. Ah oui. Voilà. J'adorais Sub-Zero. Mais très bel été à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Et puis à la saison prochaine, c'est ça qu'on dit, Brett, hein, on dit exactement à la saison prochaine, passez un bel été, ici ou ailleurs, ailleurs ou ici. Coach, bravo. Bravo, coach. Bravo, coach. On finit en, musique. Voilà, on finit en musique, hein, avec une dernière petite reprise un peu de japonais, une reprise japonaise un peu barrée de France Gall. Allez. Qui est peut-être un des matchs qui s'annonce pour la finale. Qui sait ? Non, je crois que ce sera avant la finale, si jamais ça doit se jouer, non ? Non, non. Ah non. Non, non. Bon, ben non. Sous-titrage Société Radio-Canada.